même pour ton prédicateur, pour ton père, ton président. Dieu ordonne. Et c'est ça. Voilà. Donc pour la Bible, c'est comme ça. Si c'est les gens qui ont voté le truc, on va remettre en cause. Vous voyez, quelqu'un soutient une thèse en disant que les pères de notre église, Ellen G. White, Dieu écrit quelque chose, il a fait l'erreur. Donc revenons cela. Quelqu'un dit que oui, il a l'erreur. Voyons cela. Une réunion se fait. Subitement, on sort que nous décidons. Ça va créer les dissidences. Les gens vont se gronder. On va conservateur. Vous entendez maintenant, église évangélique, église septième jour orthodoxe. Donc ceux qui gardent la tradition, même entre eux, on peut se séparer. Le principe. Le progressisme, voilà, nous progressons dans la modernité. Le principe de dénomination est simple. Comme tu t'es divisé, tu vas continuer à te diviser. C'est simple. Il n'y a aucune dénomination qui restera stable, jamais. C'est le principe là-bas. Parce que dénomination veut dire diviser. C'est clair. Dénomination, ça veut dire synonyme de division. Quand la première dénomination, c'était quoi? Catholique. Après, qui s'est divisé? Les protestants, non? Ils protestent, non? Qui continue à protester? Les luthériens sont sortis de là, non? Donc, vous prenez la dernière église pentecôtiste, vous mettez sur la main, vous prenez l'autre, vous mettez. Comment on prend un petit plan, on met dans les grands. Tu continues à prendre, sainte église, ce que tu mets. Tu vas te retrouver à l'intérieur de l'église catholique. C'est pour ça qu'il parle d'enseignement que c'est que tu es l'église catholique miniaturisée. C'est pour ça qu'il dit cela. Donc, quel qu'en soit ce qu'il arrive, si vous êtes dans une. Dans une région où vous avez une petite église, c'est ça qu'il dit toujours aux gens, que ne regardez pas au sentiment, d'accord? Si vous regardez au sentiment, vous allez perdre la face devant la vérité. C'est pour cela qu'il avait parlé la vérité à quelqu'un. J'ai fait mes yeux au niveau de l'amour de son visage. Je balance ce qui sort de la bouche de la Bible, d'accord, frère? Ça bombarde sur son cœur, n'est-ce pas, papa? Vous essayez? Ah, vous n'êtes plus avec moi. J'ai dit ceci. Dénomination, c'est synonyme de quoi? Division. C'est synonyme de division. Donc, il n'y a aucune dénomination qui va rester stable, jamais. Vous ne verrez aucune dénomination qui est restée stable. Et elles ne pourront pas rester stables jusqu'à ce que notre Seigneur vienne. Et remarquez, voici le signe donc maintenant que c'est la fin des dénominations. Petit à petit, ils sont retournés à leur mère. Voilà. C'est le signe de la fin. Ils sont retournés à leur mère originelle. Vous entendez, quelqu'un va sortir l'expression que non, on ne peut pas quand même rejeter tout à la Sainte Église, la mère. Que c'est quand même la mère. Il n'y a pas seulement que des mauvais là-bas. Des bons. Il y a quoi que le prélat et le canne et les chapeaux. Vous voyez, n'est-ce pas? Il y a quoi de mal à cela? L'eau bénie et la canne, je sais, parce quoi? La tolérance. Quelqu'un dit tolérance zéro. Au niveau du péché, là. Regardez bien, je dis. Toute dénomination, vous montez ou descendez, vous allez fonctionner comme association. Et par conséquent, vous allez avoir les règlements intérieurs et des statuts internes. Vous allez entendre président de l'église, secrétaire du pasteur. Vous allez leur demander, qu'est-ce que secrétaire des pasteurs dans la Bible? Ils pourront vous montrer? Non. Donc, ils sont en train de servir autre Dieu. Et pas seulement donc le Dieu qu'ils servent là-bas va se manifester. Parce que lui, il est rapide. Ok, deuxième chose, d'où vient-il que... Ok, frère Alain, Jean, suis-moi maintenant par rapport à cette question-ci. D'où vient-il que pendant qu'on prie n'importe comment, ce n'est que le parler en langue parmi les neuf dons du 1 Corinthiens 12 qui se manifeste de plus? Vous vous êtes posé la question comme ça? Dieu merci, j'ai posé avant toi ici. Vous comprenez la question? On se réunit pour prier. La Bible parle de 1 Corinthiens 12, des neuf dons. Depuis là, c'est toujours seulement bra qui se manifeste. Donc le Saint-Esprit est devenu handicapé. Donc il pose la question sur le Saint-Esprit est devenu handicapé. Nous sommes d'accord que le Saint-Esprit va handicaper, n'est-ce pas? Ok. Et dans un enseignement ici, nous avons vu les causes du fait que le Saint-Esprit ne se manifeste pas. On a vu que c'est l'intellectualisme qui a causé beaucoup plus de problèmes. Suivez les enseignements. C'est en préparation par rapport à quelque chose. Donc, pour la personne qui a posé ces questions-ci, on ne doit pas parler en langue. Parce que ce n'est pas un truc. Un commandement. Vous savez, lorsqu'on veut tenir quelqu'un, vous souvenez dans la vidéo que Georges Namavait fait contre moi. Vous avez suivi ce qu'il a dit. Il a dit que voici quelqu'un, ça montre qu'il ne parle pas en langue. Il a dit à cette fille pour la conseiller. Il dit que parle en langue, ma soeur, parle. Il te demande que parle dans ta langue, tu veux, parle. Et que balance-nous la langue là. Il dit que, regardez ce que Junior dit. Junior dit qu'on ne doit pas parler en langue. Pourtant, la Bible déclare qu'on demande le Saint-Esprit. Donc, il me condamne avec la bouche, avec l'écriture. Il dit c'est exactement ce que je viens de dire. J'ai dit qu'on ne parle, on ne prie pas pour recevoir la langue. C'est le Saint-Esprit qu'on faut demander. Et le Saint-Esprit vient, il te donne le don qu'il lui faut. C'est ça, n'est-ce pas? Un seul et même esprit distribue ce don en chacun à partir comme il le faut. Ok, maintenant, je pose une autre question. Tous doivent-ils parler en langue? C'est qu'il y a un problème alors maintenant. Si vous avez donc affirmé que les pentecôtistes enseignent que le signe du baptême du Saint-Esprit, c'est de parler en langue, c'est automatique que tous doivent parler en langue. Vous saisissez, n'est-ce pas? Maintenant, la réponse biblique, c'est ceci. Tous doivent-ils parler, tous, au mieux, tous parlent-ils en langue? Non. Ok. Alors, recommençons encore. Est-ce que donc, avec cette même question, le signe du baptême du Saint-Esprit, c'est de parler en langue? Parce que si c'est le parler en langue, alors tous qui sont baptisés en Saint-Esprit doivent parler en langue. C'est ici, n'est-ce pas? Donc, parce que la 1 Corinthiens chapitre 12, que la personne s'est posée, le verset 28 et suivant, verset 28 à 30, la Bible pose la question, tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Tous opèrent-ils des miracles? Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Tous interprètent-ils? Non. Si on tente de dire oui quelque part, vous allez dire oui partout. On est simple, n'est-ce pas? Mm-hmm. Donc si quelqu'un doit parler en langue, tout le monde doit parler en langue, tout le monde doit prophétiser. Tout le monde doit être miraculeux. Tout le monde doit interpréter. C'est parce que la Bible enseigne. Et comme il affirme que c'est le signe, c'est le guidage du baptême du Saint-Esprit, il affirme aussi que tous sont prophètes. Oui, donc le guidage du Saint-Esprit, c'est que tous soient prophètes. Je me souviens quand le pasteur disait que vous êtes tous prophètes. L'esprit du prophète est à vous. Donc vous êtes Jésus-Christ est prophète, vous avez Jésus, vous êtes les prophètes. Vous entendez, non? vous entendez les déductions, non? Je ne sais pas comment on peut faire, frère. Il faut qu'on fasse une réunion des pasteurs et des dirigeants. On s'assoit comme ça, on les pose la question, avec les questions que les pasteurs soient délivrés. Comment? C'est toi qui les connais. Si tu peux faire une réunion, tu fais une réunion, tu m'invites, frère, je viendrai volontiers. Je viens dire. Je prends le frère à Tangana, avec le frère, il se met pas comme garde du corps, avec le frère, il met trois là-devant. Je parle en me cachant derrière, comme ça, je parle en me cachant derrière. C'est que le pasteur va enlever les chaussures sur moi. Vous savez, j'ai parlé à un pasteur comme ça, là, il est resté bon, ça l'a dit. Donc, tu veux dire que, il dit que je veux dire, il dit, tu veux dire que depuis là, je suis dans le faux. Donc, depuis là, j'étais dans le faux. Il dit, si tu as compris que c'est ça qu'il veut dire, c'est que c'est exactement ça qu'il veut dire. C'est simple. Et l'une des choses donc qui est à cette époque, c'est savoir accepter qu'on a tort et se retourner. Donc il y a des gens qui, mobiles, savent que c'est vrai, mais ils vont continuer à mourir. Oui, frère, je disais tantôt que pour qu'ils acceptent, il va falloir qu'ils laissent le matériel. Or, comme ils ne peuvent pas laisser facilement le matériel, ils ne pourront pas comprendre. On va faire comment? On va vraiment annoncer. Parce que vous allez faire comment pour que nous ne puissions pas dire que les offrandes. Vous allez faire comment pour ça? Pasteur, les dit mes offrandes. Ils ne pourront pas suivre. Ça, c'est leurs intérêts qui arrivent. Donc. L'annonce, Matthieu, Marc chapitre 16, verset 17, la venue de la promesse annoncée. Acte chapitre 2, la mise en pratique, l'interprétation, les dérives et les corrections. 1 Corinthiens 12, 14. Les trois, il faut les enseigner là maintenant. Et vous avez remarqué dans votre Bible que chaque fois qu'il y a eu cette parler en langue, il y a eu des juifs présentement. Suivez attentivement là maintenant. Chaque fois que le parler en langue s'est passé dans la Bible, il y avait des juifs à côté. Quand il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de parler en langue. Vous avez ça remarqué? Amen. Un frère? Amen. Vous avez saisi? Ok. Donc si quelqu'un peut raboter, comment il peut raboter? Il n'y a pas de problème. Quand il finit, tu tournes, on parle en langue de la parole. La Bible déclare que les chrétiens ne doivent pas payer la dîme. Si tu es d'accord, c'est que tu as le Saint-Esprit de la dîme. C'est ça, non, frère? Que Dieu bénisse. On peut avancer. Donc, je crois que cette personne a l'avant-goût sur ce qui va arriver. Alors, que faire si on en est bavardé ces choses-là? Je peux arriver au niveau de la réponse sur deux volets. Les deux choses l'une. Soit la personne ne parvient pas juste à accepter. C'est que ça veut dire que c'est étant comme la vérité. N'est-ce pas? Vous me saisissez. Il dit que pendant que, si la personne qui est en train de poser cette question, si c'est tout au milieu de nous, il peut prêcher comme ça là. Jusqu'à présent, la personne ne conçoit pas que c'est vrai ce que ça veut dire. Voici ce que la personne va faire sur deux volets pour l'aider. Un. Si cette langue est de Dieu, demandez l'interprétation. Si l'interprétation ne vient pas, arrêter. Parce que tu peux ouvrir ta bouche en train de dire j'ai maudit jusqu'à ce que je crois que c'est vrai. Sans t'en rendre compte. Et si tu ne sais pas, il faudrait mieux d'arrêter. Parce que tu arrêtes de parler, il n'y a pas quoi que ce soit de plus ou de moins dans ta vie spirituelle. Or, ce qu'on a dit aux gens, c'est que quand tu parles en langue, plus tu parles en langue, plus tu gonfles spirituellement. C'est vrai ou c'est pas vrai? Que prier en langue maintenant, c'est le moment. Et on fait entrer les démons en scène. Alors la question se pose. L'autre dit que non, quand tu veux prier, tu ne sais pas ce que tu vas dire, tu parles en langue, ça, l'esprit intercède pour toi, c'est ça? Vous parlez. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Où est-ce que c'est écrit? Donc, il dit, cette chère personne, c'est deux volets. Soit la personne ne parvient pas à saisir, d'accord? Et dans ce cas, il dit pour l'aider. avance avec cela en demandant à Dieu l'interprétation. Si Dieu ne donne pas l'interprétation, comme il a donné aussi l'autre facilement, arrêtez. Ce n'est pas Dieu. Parce que c'est écrit dans la Bible que celui qui prie cette chose-ci prie pour avoir le don d'interpréter. Pour que tu saches ce qu'on a dit. Voici la deuxième chose. La deuxième chose, c'est ceci. Tu continues seulement à parler et à voir comment ta vie spirituelle sèche, tout simplement. Parce qu'on est en train d'aller à la perfection, là. Voilà les deux façons pour aider cette personne. D'accord? C'est Dieu veut l'expression de notre cœur. Imaginez seulement que si vous avez vous êtes mis à genoux, par exemple, vous allez faire des choses, et que vous allez faire ça, là, vous incitez le Seigneur. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez qu'il y a un problème, n'est-ce pas, frère? Et quelqu'un va prier comme ça le dimanche, il soit avec une révélation qui n'est pas dans la Bible. Il prie, il soit avec l'autre révélation qui est parce que vous priez, ça ouvre des domaines spirituels. Ça ouvre des domaines spirituels. Ton intellect commence à se connecter seulement aux choses néfastes. On te dit la vérité, tu ne parviens plus à croire. On peut marcher seulement à la simplicité de Christ. Donc faisons attention. Maintenant, dites à Dieu qu'il convertisse ces barabarabra à l'imposition des mains, les gens sont guéris. Au moins, ça va aider. D'accord, frère? Que Dieu vous bénisse. Autre question? Oh, remarquez très bien, vous tenez là comme ça, on touche, les gens tombent. Quelqu'un doit être livré. Et le pasteur dit que non, il a reçu le Saint-Esprit. Le démon a de crier que je vais sortir, mais je vous insulte, si vos mamans, en cette langue, hein, on dit que c'est le Saint-Esprit, après c'est le Saint-Esprit. Je l'ai commencé à dire, oh, mais tu ne peux pas agir parce que c'est les gens, les chers des gens. Est-ce que c'est? Je me souviens une conférence qu'on a organisée ici au centre de Barnabas, je ne sais pas à quelle année, c'est Olivier Dongo qui avait apporté, fait cette conférence, il y avait Dibo là-bas et autres. Dibo a fini de prêcher, il a donné le micro à Ndongo. Ndongo m'a donné le micro, il a commencé à prier. Vous savez, quand l'homme veut faire sa chose, frère, attends, tu étais là, à Barnabas. Non, tu n'étais pas encore là. Tu étais là à Barnabas. Voilà, tu as su ce qui s'est passé. Tu as vu ce qui s'est passé. Donc, il a fini de prêcher. Vous savez, quand on s'implique tous les gens, quand Dibo est sorti, il a entendu comment il a commencé à prier. Il dit que le petit là, il peut. Vous savez, le petit là, il peut. Ndongo m'a dit que non, celui-là, c'est un feu là-dedans. Il m'a dit dans mon cœur qu'il fallait qu'il rentre voir encore ses clients qui étaient au sol. Tout le monde était au sol. Alors tout le monde était au sol. Comme l'autre Ndongo devait planter son émission, c'était son tour de passage. Son truc. Il est venu là prendre l'autre micro. Pendant que son regardait les salles du monde, il s'est dit que. Il dit, écoutez bien, il veut vous parler de ces choses spirituelles. Il dit, vous êtes tous libres au nom de Jésus. Jésus qui ne se battait pas avec les démons. Et je regarde, les démons font s'asseoir. C'est terrible, frère. C'est terrible. Pourquoi? Il faut qu'on annule la délivrance ici pour que je montre ma connaissance. J'ai dit aux gens que, regarde cette fille ici. Celle-là dit que je vais les voir de l'autre côté. Si on venait, ils disent que, ok, priez pour elle. On a prié. Beaucoup ont été libérés de l'asthme et autres. Ils disent que, ouais, ce qu'on a prononcé, qu'elle était libre. Et c'est comme ça qu'on fait dans les assemblées. Les gens rentrent pour se lire. On dit qu'ils sont libres. D'autres tombent. Non, il a reçu le Saint-Esprit. Oh, c'est Saint-Esprit. Saint-Esprit comme ça. Si vous priez quelque part, quelqu'un tombe et commence à faire comment continuer en disant que je te commande au nom de Jésus de Nazareth. Sors, toi qui bavarde là. Le Saint-Esprit, son Saint-Esprit là va sortir. Vous allez dire si c'est normal que le Saint-Esprit cherche le Saint-Esprit. Oh, voici alors la chose. Maintenant, il va vous montrer là où le piège est entré. Le simple fait qu'on vous a conditionné, que vous savez déjà que l'enseignement est entré, que le signe du baptême Saint-Esprit se parle en langue, vous montez, vous descendez un temps, votre bouche va bouger. Non, on dit que non, sauf quoi, c'est pas où c'est pas la bouche qu'on va parler, pas vrai? Oui. Mais frère, c'est quelle Bible là alors dans ce cas? C'est quelle Bible alors? Comment faire? Bouge pas, l'autre, à un moment, on boit l'eau, que boit l'eau, que ça délire. Hein, frère? Il boit le Saint-Esprit. Tu bois le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'eau, n'est-ce pas, frère? Attends, là. Alors, quand tu finis de faire comme ça, là, il y a un frère qui a été venu, qu'on a tapé sa tête comme ça, là. Pourquoi on ne tape plus la tête comme ça? Fait que tu vois que voilà, tu as dessus. Qu'on tape sa tête, que tu ne veux pas, tu veux parler ici, là. Pêche, pour qu'il parle. C'est pas comme ça. Il dit, ne vous inquiétez, ne soyez pas prêts. Quand le Saint-Esprit se mettra en mouvement, vous saurez qu'il est là. Là, quand vous me posez chaque fois la question que frère, j'ai le Saint-Esprit, vous ne posez plus la question. Quand il va agir, vous saurez. Quand il agit, vous savez, non? Quand tu manges une doulette, tu t'assois tranquillement, tu essuies ta bouche. Même si quelqu'un veut te convaincre que tu n'as pas mangé une doulette, tu sais que tu as mangé quand même le lot. Quand il sera là, tu sauras. Comment l'apôtre Paul peut dire qu'il nous a donné les arts de l'esprit? Comment il peut dire qu'il nous a donné les arts de l'esprit? Le gage de notre héritage. Ceux qui parlent comme ça, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Ils savaient littéralement que quelque chose s'est passé dans sa vie. Or maintenant, amusez-vous seulement à regarder maintenant de la bonne façon, la façon que vous avez reçu votre Saint-Esprit, vous verrez qu'il y a quelque chose de faux. Amusez-vous seulement. Tournez-vous seulement derrière, vous aurez honte de cette façon, de cette expérience. Comparez seulement cette expérience avec la Bible et voyez. Pentecôtiste mouillé. Parce que si Dieu fait ces choses-là, de cette façon-ci, Dieu ne peut pas venir dans la confusion. Et s'il fait la confusion, alors il a de confirmer ceux qui renient sa parole. Dieu ne peut pas faire ça. Parce que la Bible déclare qu'il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. C'est la marque de Dieu là-bas. Il ne peut pas dire que je ne savais pas qu'il devait être pentecôtiste. Ce n'est pas comme ça. Lisez seulement les héros de la foi. Lisez Charles Finney. Observez la transformation de sa vie et comment il regardait les gens. Ils étaient convaincus du péché. Aujourd'hui, déjà, le Saint-Esprit, il vient seulement pour danser. Ago dance, ago dance, ago dance, ago dance today. C'est ça qu'on fait, c'est ce que le Saint-Esprit fait aujourd'hui là, pour danser seulement. Ago shake, shake, shake, shake, ago shake. Tout ton mouchoir, tout ton mouchoir, c'est pas le mouchoir. Le pasteur prophète directement que passe déjà au couloir là-bas, chaque fois le mouchoir 500 francs. Pour qu'on lève le mouchoir à la gloire de Dieu. Vous entendez, chaque occasion, il faut quoi? Mammon. C'est ce qui est au milieu des. De toute façon. Si vous voyez l'église de la bonne façon comme le Nouveau Testament, vous n'aurez plus de problème. Si vous voyez la Bible, le vrai problème, c'est que tellement on est dans le faux que quand le vrai vient, on ne parvient pas à saisir. On a comme impression que. Parce que la question que beaucoup de personnes se posent, c'est que. Donc, tous ces gens-là qui étaient là depuis, mon problème, ce n'est pas le problème que tu vas poser là-bas. Jésus, quelqu'un dit à Jésus dans ce Luc-là que, Seigneur, à t'entendre parler là comme ça, y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non, il dit que efforcez-vous d'entrer. Donc, laisse des gens, peu de gens qui soient sauvés. Si c'est peu, ce n'est pas ton pro. Efforce-toi seulement à entrer. Donc, que chacun se débrouille à être d'abord dans le vrai. Dis à ton voisin, débrouille-toi. Quand tu fais ce que la Bible dit. Parce que, tu vois, quand tu prends comme ça, on dit maman, les gens périssent là dehors. Tu es d'abord dedans d'abord. Vous saisissez ce que l'on lui dit, n'est-ce pas? Vérifie que tu sois déjà en lieu sûr. On ne peut pas commencer à. On est dans le trou comme ça, on se bat dans le trou pour sortir. On cherche comment on va grimper sur le trou. Tu dis que, mais vous souffrez ici dans le trou. Hein? Vous souffrez dans le trou comment? Il faut que chacun sorte du trou, tu sauras comment l'angoisse, c'est à quoi qu'il faut envoyer sur l'échelle, il faut amener le secours. On se comprend? Voilà. Alors la Bible déclare, ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil, alors tu verras la paille qui est dans l'œil de ton frère. Il ne faudrait pas que tu avances vers quelqu'un pour te dire que vous êtes pentecôtiste, vous êtes ici. Ce n'est pas pour cela que nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour la confrontation de la guerre. Si Dieu veut sauver n'importe qui, il va sauver. Nous sommes ici pour dire que nous sommes un peuple saint. La Bible est claire. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Un peuple saint. Une nation. C'est pas ça, frère? Alors, comprenons ce que j'avais dit, vivre en roi, vivre en sacerdoce royal, vivre en peuple saint. C'est ici que Dieu nous attend. Il ne s'agit pas de démontrer la connaissance, il s'agit de vivre la vie de Dieu. Et quand tu vis la vie de Dieu, l'apôtre Pierre dit que et vous pouvez répondre à qui demande l'espérance qui est en vous. Alors maintenant, est-ce que l'espérance est en nous? On dandine, pas vrai? Non, on te pose la question, quelqu'un peut te poser trois questions comme ça, tu rentres encore, tu doutes. Donc ça veut dire que l'espérance n'est pas encore assise. C'est ça, n'est-ce pas, frère? Donc, que Dieu vous bénisse. Autre question. Donc, faites attention de parler en langue. Les choses, repentez-vous tout simplement et avancez. Repentez-vous, arrêtez les bêtises là. Même si la langue fait. Tais-toi. Ça va se taire. Vous allez voir que vous ne pouvez pas commander au Saint-Esprit de se taire. Le Saint-Esprit fait le désordre. Vous dites que. Il dit ici que si quelqu'un croit être prophète, qu'il reconnaît que c'est un commandement du Seigneur. Et s'il y a-t-il quelqu'un qui peut connaître le commandement du Seigneur que le Seigneur lui-même. Et il parle au travers de toi, il désobéit à ce commandement. Quelque chose ne va vraiment pas. Que celui qui parle. L'autre dit que non, quand il parle, il ne sait même pas que je suis en train de parler. Pourtant, c'est toi qui dis que quand je vais intercéder, j'ai pris en langue. Finalement, c'est quoi? Tu sais ou tu ne sais pas finalement? Quand on dit que prie maintenant en langue, qui décide de prier? Il dit qui décide de prier? Ah. Et voici encore notre subtilité. Et c'est ça les séminaires. Quand vous priez en langue, vous donnez à une langue que Satan ne peut pas entendre. Vous avez dit que c'est la langue des anges, non? Satan n'était pas un ange. Entre-temps, il a oublié le dialecte qu'il avait en haut là-bas. Quand on prie en langue comme ça, pour que ta prière va directement à Dieu qui ne comprend pas. qui ne comprend pas. Que c'est pour coder la prière. Vous m'amusez. Vous voyez des choses comme ça, vous demandez à quelqu'un où est-ce qu'il va chercher ça. Alors, ça commence à poser des problèmes. En quelle langue Daniel a-t-il prié pour que Dieu envoie les anges? En quelle langue? Quand l'ange est descendu, Satan l'a bloqué comme ça, il n'est pas toujours arrivé. Ou bien il fallait qu'on fasse comme ça, il prie en langue pour qu'on envoie en secret mission secrète. Puis il faut qu'on prie en langue, la langue des anges. Et Satan était un ange avec ses anges. Donc tu pries comme ça, en fait tu parles dans la même langue pour qu'il puisse saisir. Ah, que Dieu ne vienne en aide, n'est-ce pas, frère? que Dieu nous vienne en aide. Donc on va revenir sur l'enseignement sur le parler en langue. Alors maintenant, la Bible ne parle pas du parler en langue. La Bible parle du parler en langue étrangère. C'est ça le problème maintenant. La Bible parle de parler en langue étrangère. Prenez la Bible donc maintenant, lisons deux passages. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors que vous écoutez ceci. Je vais lire seulement ces deux passages. Et là, on va arrêter par rapport à ce sujet. Prenez 1 Corinthiens chapitre 14. Et c'est que vous ne pouvez pas lire, d'accord? Dès que vous voulez, vous ne pouvez pas lire. 1 Corinthiens chapitre 14. Alors, vous êtes avec moi? Je vous aime tellement, on ne peut pas savoir. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec la lumière par ici là? En fait, je ne me suis pas rendu compte qu'on a coupé la lumière. J'étais de regarder par là, je dis, regarde, ah, il dit, donc maintenant on a coupé la lumière, ça n'est qu'on peut lire ici. Donc, vous êtes 1 Corinthiens chapitre 14, frère. Donc, on va lire deux passages, je vais conclure par quelques phrases, d'accord, frère? Maintenant, il faut que je me mette à l'abri pour que je ne puisse pas cacher la lumière aux gens. Je crois que je ne cache pas la lumière. Je cache la lumière. Ma femme ne voit pas d'abord bien. Donc, 1 Corinthiens 14, êtes prêts? Oui. Lisons les versets 20, 21, 22. Allons-y, quelqu'un lit à haute voix, frère. Toi qui es proche de la lumière. Frère, oui. Ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Oui. Mais pour la malice, soyez enfants. Oui. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Ok, maintenant, regardez bien. Suivez-moi attentivement. Regardez par ici. Votre attention. L'apôtre Paul est en train d'écrire aux Corinthiens que faites attention pour que le jugement, vous ne vous réunissez pas, que ce soit le jugement. Ne soyez pas comme les gens qui sont là pour créer le trouble. Vous comprenez, n'est-ce pas? Qu'ils se réunissent, que c'est plutôt le jugement de Dieu qui entre parce qu'ils sont désordonnés, d'accord? Il s'adresse aux chrétiens, aux Corinthiens, parce qu'à cause, c'est à cause de parler en langue, d'accord? Maintenant, écoutez très bien. Il dit que, mais pour ce qui est de quoi? Mais pour la malice, oui. Soyez enfants. Oui. Et à l'égard du jugement. Oui. Soyez des hommes faits. Des hommes faits. Donc vous devez maîtriser ces choses-ci. Les choses-ci, vous devez discerner. Je veux que vous compreniez. Si dans tout l'enseignement de parler, vous ne comprenez pas ces deux passages qu'on va lire maintenant, vont régler la chose. D'accord? Maintenant, avançons. Il est dit dans l'écriture. Il est écrit dans la loi. Oui, écoutez bien. Ce n'est pas des hommes d'une autre langue. Oui. Et pas des lèvres d'étrangers. Oui. Que je parlerai à ce peuple. Oui. Et ils ne m'écouteront pas même ainsi. Oui. Dit le Seigneur. Oui, mais après dit. Par conséquent. Donc une suite logique. Oui. Les langues sont un signe. Oui. Non pour les croyants. Oui. Mais pour les non-croyants. Stoppons là-bas. De quelle langue l'apôtre Paul est en train de parler là? Langue. Mais c'est terrible, frère. Parce que c'est pour expliquer tout le truc qu'il en a parlé de langue là, qu'il en a dit là. Il dit que dans la loi, c'est écrit comme ça. Maintenant, si vous avez la Bible de référence, il parle dans Ésaïe chapitre 28, verset 11. C'est ça, non? C'est là où il cite. Allons là-bas voir ce qu'il écrit. Donc, il veut leur expliquer pourquoi dans la loi, Dieu prophétisait cette langue-là. D'accord? Donc, pour les langues-là, que la langue ne nous amène pas le désordre, que vous soyez sur le coup du jugement, sur le coup de la malice. D'accord? Parce qu'il dit, donc, sachez que dans la loi, la langue a été prévue pour telle chose. Il cite donc la loi. Oh, maintenant, vous encore, je vous avais donné le devoir, pas vrai? Regardez ici, pendant qu'on parle, les choses sortent là. Je vous ai donné le devoir sur la loi. N'est-ce pas? Je vous ai donné le devoir sur la loi, ordonnance et autres la dernière fois. C'est ça, n'est-ce pas? L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens qu'il est écrit dans la loi. On s'attendait à ce qu'on va voir dans les 5 premiers livres, ça se trouve plutôt dans Isaïe. Qu'est-ce que vous en dites là, mes chers amis? Il dit que vous allez lire la Bible ici. Vous allez vraiment lire. L'apôtre Paul dit ici qu'il est écrit dans la loi. Il n'a pas dit qu'il est écrit dans le prophète Isaïe. Il n'a pas dit qu'il est écrit dans Isaïe. Il a dit la loi. Vous voyez ça, n'est-ce pas, frère? Ok, donc, je vous avais dit que chaque fois que vous voyez loi, mettez le verset de côté. Loi. Ok, maintenant, Ésaïe chapitre 28, ça se trouve, lisons le verset 9 à 11. Allons-y. À qui veut-on enseigner la sagesse? Oui. À qui veut-on donner des leçons? Si ce n'est pas l'église de cette époque, c'est à qui Ésaïe s'en est tracé, je ne peux pas comprendre. Donc, les gens sont tellement de faux que tu veux enseigner n'importe qui. Il se pose la question. Finalement, je vous ai enseigné qu'ici, dehors, tous croient. Tous croient connaître déjà. Donc, c'est tellement difficile qu'on les enseigne. Et c'est le contexte de ça qu'on a de trouver ici. Allons-y. À qui veut-on donner des leçons? Oui. Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés? Vous entendez? Qui viennent de quitter la mamelle? Oui. Car c'est précepte par... Précepte sur précepte. Oui. Règle sur règle. Si ce n'est pas ça aujourd'hui, dites-moi. Attendez. Ce n'est pas des règlements intérieurs que chacun a ici aujourd'hui. Ouais. Ce n'est pas dans le contexte que les gens ont prophétisé. Oh frère, c'est terrible. Un peu ici. Un peu là. Nous croyons ici au niveau de la dîme. Nous prenons par ici. Là, il y a les abbés sacerdotaux. Nous croyons par un peu par ici. Un peu par ici. Un peu par là. Et il dit que quand on fait ces mélanges là. Eh bien, c'est pas des hommes. Ok, maintenant. Écoutez, maintenant. Écoutez, il dit, eh bien, c'est pas des anges. Mm-hmm. Eh bien, c'est pas des anges. Mm-hmm. Eh bien, c'est pas des anges. Aux lèvres balbutiantes et au langage. Baba. Stoppons là-bas. Remarquez la façon que l'apôtre Paul a dit là-bas. L'apôtre n'a pas dit baba. C'est ça, non? Mm-hmm. Et quand l'apôtre Paul a cité, il n'a pas dit baba. Il a dit quoi? Les lèvres d'étrangers. Les lèvres d'étrangers. Et au langage. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il dit ce que l'apôtre Paul a cité. Hein? Balbutiant. Que j'ai parlé à ce peuple. Maintenant, ici, il dit que c'est au langage. Au langage barbare. Barbare. Maintenant, revenons à 1 Corinthiens 14. Gardez le doigt là-bas. 1 Corinthiens. Ok, maintenant, regardez bien. Écoutez très bien. Nous sommes d'accord que Esaïe parle de langue barbare. N'est-ce pas? Et on a dit que Esaïe parlait comme ça. L'apôtre Paul parlait que Esaïe parlait comme ça, il parlait de parler la langue qui devait arriver dans l'église. Dans les langues étrangères de d'autres peuples. Avançons là, on s'est arrêté au verset 22. Avançons, parce que l'apôtre Paul va avancer, on ouvre les barbares. 1 Corinthiens 14. Tu y es, frère. Continue. Par conséquent, oui. Les langues sont un signe. Oui. Non pour les croyants, oui. Mais pour les non-croyants. Oui. La prophétie, oui. Au contraire, est un signe. Non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Donc normalement, le signe authentique, le baptême de Jésus, on fait quoi? On prophétise. Ok, bon, maintenant, c'est bon. Là, maintenant, allons-y. Si donc, oui. Dans une assemblée de l'église oui. entière, oui. tous parlent en langue, oui. et qu'ils suiviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, oui. ne diront-ils pas que vous êtes fous? Donc finalement, on peut dire que les pentecôtistes sont les fous. C'est pas nous qui disons, c'est qui dit? C'est pas ça, Jean-Alain. Donc, l'église pentecôtiste, c'est l'église des fous. Tu ne sais pas si c'est la Bible qu'on lit. Bah, de toute façon, avançons, frère. Mais si tous prophétisent oui. et qu'ils suiviennent quelques non-croyants oui. ou un homme du peuple, oui. il est convaincu par tous. Vous avez vu ces choses-là au milieu de nous chaque fois, n'est-ce pas? Mm-hmm. Avançons. C'est, la Bible n'est pas menti. Quand tu parles des problèmes des gens, tu parles directement. Quelqu'un dit que là, ici, il faut faire attention. Vous voyez, les gens se retirent tranquillement. À ce rythme aussi, on peut dénoncer mon péché ici. Donc, que chacun cherche sa route. Oui, avançons ici, frère. Il est jugé par tous. Tu entends ça? Mm-hmm. Les secrets de son cœur sont dévoilés. Vous entendez ça? N'est-ce pas meilleur que l'église est ici? N'est-ce pas meilleur que l'église est ici? Donc, qu'est-ce qui ne va pas avec les gens alors? Avant son frère. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, oui. il adorera Dieu. Donc, le meilleur, donc, il peut amener l'homme à se consoler. Briser de son orgueil devant le Seigneur. N'est-ce pas ça qui est meilleur? Avant son frère. Il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. N'est-ce pas ça que nous reprenons aussi chaque fois? Avant son frère. Que fait donc, frère, lorsque vous vous assemblez, oui. les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, oui. une instruction, oui. une révélation, oui. une langue, oui. une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Oui. Il y a un verset, tu crois que tu as sauté, tu es au niveau verset 26 et 27 là maintenant. Rentre au niveau là où tu as dit que si quelqu'un entre, si tu parles en langue. Il y a un endroit où on parlait que si il dit l'autre n'est pas édifié. Prends à partir du verset 18, vois. Verset 18. Oui. Je rends grâce à Dieu oui. de ce que je parle en langue plus que vous tous. Oui, n'est-ce pas? Oui, oui, attends, on arrive. Donc, c'est pas, je rends grâce à Dieu qui parle en langue. Les gens croient qu'il ne parle pas beaucoup. Il dit que, en fait, dans la traduction normale, c'est je rends grâce à Dieu de ce que je parle d'autres langues plus que vous tous. Et effectivement, il a parlé la langue de l'écolique. Comment il a fait le feu de aller prêcher Christ là où Christ n'était même pas nommé? Comment il a fait pour parler de la langue là-bas pour qu'il vous prêche Christ, frère? Oui, rentrez au verset 16 et 17. Bon. Allons-y, disons ça. C'est ça que vous ne laissez pas. Verset 16. Oui. Autrement, si tu rends grâce non, à... Non, rentrons encore. Verset 15. Que fait donc? Écoutez bien. Je prierai par l'esprit. Oui. Mais je prierai aussi avec l'intelligence. Oui. Je chanterai par l'esprit. Oui. Mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Oui. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, oui. comment celui qui est dans les rangs de l'homme du pourra peuple dire. Répondra-t-il Amen? J'entends ça. Avançons. À ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Vous avez entendu? Avançons. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Oui. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Oui. Mais, dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Vous avez entendu? Donc, 2 000 fois. Avançons, frère. Frère, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Oui. Il est écrit dans la loi. Ah, oui. C'est pas des hommes d'une autre langue. Stop. Et c'est pas quoi? Des hommes d'une autre langue. Depuis là, vous voyez un ange là-dessus, frère. Oui. C'est pas des hommes d'une autre langue et pas des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Vous entendez, n'est-ce pas? Des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Allons-y. Et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Vous entendez? Vous comprenez, frère? Donc, les langues dont on avait parlé, Esaïe en avait parlé. Parce que Dieu avait prophétisé que les Juifs ne croiront pas de toutes les façons. Il va venir prendre le peuple. Ils entendent comment Corneille, qui n'est pas juif, commence à rendre grâce au même Dieu, le Dieu des Juifs, en une autre langue. Il dit non, ce n'est pas possible. Parce qu'on disait que c'est le Dieu d'Israël. Alors on commence à voir. Alors vous allez voir dans Actes des Apôtres, vous allez voir que après avoir écouté tout ce que Dieu a fait, ils disent que Dieu a donc accordé aux païens la repentance afin qu'ils aient la vie. Et ils glorifient le Seigneur pour cela. Parce qu'ils croyaient que Dieu était seulement le Dieu des Juifs. C'est pour ça que c'est un mystère, le fait que les Juifs, le rejet d'Israël, l'intégration des païens, c'est un mystère. Et chaque fois qu'il y a un mystère dans la Bible, ça crée des contradictions. Ça crée des embrouilles. Divinité de Dieu, ça crée des embrouilles. Comment Dieu peut faire chair? Mais c'est le mystère de la piété. Comment la crise va se manifester? C'est le mystère de l'iniquité. Comment les Juifs vont être hantés? C'est le mystère du rejet. Oui, frère, tu dis? Donc, je veux qu'on revoie le verset 15 ici, là. Donc, je veux comprendre. Oui. Là, il dit, que fait donc? J'ai chanté en esprit. Non, ne vais pas entrer là. Comment entrer là-dedans? Je vais y enlever. Quand tu as chanté en esprit, au chapitre 13, verset 1, il a dit que si tu as le don de prophétie, tu as la connaissance, tu peux connaître le sein de tous les mystères. Quelqu'un peut-tu connaître? Si tu as la foi, tu vas dépasser les montagnes. Quelqu'un a dépassé les montagnes. Donc, fais attention à son langage. Fais attention à son langage. D'accord? Voilà. Ok, que Dieu bénisse. Je vais seulement montrer ces deux choses-là. Vous restiez avec. On ne veut plus parler maintenant. Ou digérer. Donc c'est mieux qu'il ne complique pas encore davantage. Donc je m'approche davantage vers toi, n'est-ce pas? Donc c'est ça le thème. On va voir ça pas maintenant. Donc vous êtes là fatigué. Vous relâchez, ça va?